On se dit au revoir. Tout à l'heure, Sampler est en mode afro pour cet après-midi. Et puis, Perm et Mike vous attendent à 16h. Pour l'instant, il est 15h. Avec Sophie Echen. Le procureur de la République de Sarreguemines appelle à la prudence ce soir après l'interpellation d'un Allemand de 55 ans ce matin à Forbach en Moselle. Il est toujours en garde à vue ce soir. Sa femme, une Allemande aussi, l'accuse de séquestration, torture et viol répétés depuis 2011. L'homme dément et évoque la maladie de sa compagne. L'enquête cherche à mettre à l'épreuve des faits ces différentes allégations, souligne le procureur. Gérald Darmanin a demandé à ses services d'engager la dissolution de Civitas, organisation catholique intégriste, après des propos antisémites lors d'un rassemblement ce week-end en Mayenne. L'antisémitisme n'a pas sa place dans notre pays, estime le ministre de l'Intérieur sur X, le nouveau nom de Twitter. Il annonce également avoir saisi le procureur de la République. Les dirigeants des pays de la CEDEAO vont se réunir à nouveau jeudi à Abuja, la capitale du Nigeria, pour un sommet extraordinaire sur le Niger. Il n'y a pas eu de mouvement de troupes aujourd'hui, au lendemain de l'expiration de l'ultimatum de ces pays ouest-africains qui exigeaient le retour à l'ordre constitutionnel après le coup d'État sous peine d'usage de la force. L'été est souvent synonyme de grandes tensions pour le SAMU. Celui de La Rochelle, par exemple, est complètement sous l'eau en ce moment et depuis quelques semaines jusqu'au 1er septembre. En cas de problème, les patients doivent d'abord composer le 15 avant de se rendre aux urgences. Résultat, le service installé à l'hôpital de La Rochelle croule sous les appels. Joséphine Ortuno. Le SAMU, bonjour. D'accord, vous appelez pour vous ? Derrière ces trois écrans, Arnaud Kérodran ne quitte jamais son casque téléphonique sans fil. En 10 ans de carrière, c'est la première fois qu'il vit un été aussi chaotique. Vendredi, Saint-Jean d'Angély n'avait pas de SMUR. Il y a pourtant eu un arrêt cardio-respiratoire où il a failli envoyer 5 qui étaient à 30 minutes. Des fois, c'est loin, quoi. Bonjour, je suis le docteur Suzon, je suis un des médecins de la régulation. Il y a les secours qui sont en route, hein, d'accord ? Je vais vous poser quelques questions. Même si on peut évaluer beaucoup d'éléments de gravité au téléphone, on n'est pas avec le patient, on n'est pas en face, on ne peut pas les examiner. Donc le risque, c'est de sous-évaluer ou de surévaluer la situation. Hein. Jusqu'à début septembre, vous pensez que ça va se passer comment ? Pour les choses pas du tout graves, on réussit à se débrouiller en faisant faire des kilomètres aux gens et avec les consultes médicales. Mais en médecine, ce n'est pas une science exacte. Donc il y a tout un ventre mou de patients qui, au téléphone, peuvent s'aggraver très vite ou qui, enfin voilà, il va y avoir beaucoup trop de temps avant une évaluation médicale. C'est effectivement une situation extrêmement grave. En une heure, le docteur Suzon peut passer plus de 80 appels, surtout dans la matinée. Un reportage de Joséphine Ortuno de France Bleu La Rochelle pour France Info. Situation de crise également à la SPA. Ces 63 refuges sont pleins à craquer. Chaque été, les abandons d'animaux se multiplient. Sauf que cette année, les demandes d'adoption sont en baisse. Si aucune place ne se libère, la SPA ne pourra plus accueillir de nouveaux animaux. On a appris la mort du réalisateur William Friedkin, réalisateur américain à l'âge de 87 ans. Plusieurs de ses films comme French Connection ou L'Exorciste sont considérés comme des classiques du cinéma américain. Il est 20h et pile 3 minutes sur France Info. Tout de suite, les informés avec Aurélien Accard. Sampleur, 15h, 16h sur Guyane la Première. Du 3 juillet au 25 août, joue et gagne avec notre nouveau partenaire Woodpiz, ta pizza sur Guyane la Première. C'est gagné. Du lundi au vendredi, gagne ta pizza sur Guyane la Première. C'est gagné. Le Woodpiz t'offre 2 pizzas par jour. Du lundi au vendredi, sur Guyane la Première. C'est Bing Bingo! Bientôt sur la Première. Deux coureurs semblent se détacher. La semaine 9, 10 km, nous sont partis alors qu'il y a une écharpe de Patrice de Nesco. Ok, c'est de partir à 10 km de l'arrivée. 10 km de l'arrivée. Jusqu'au 31 août, joue avec le zoo de Guyane et gagne tes places sur la Première. Tous les jours, pars à la découverte de la faune et la flore amazonienne avec Guyane la Première et le zoo de Guyane. Sampleur vacances sur la Première. Put it in motion, moving your body like ocean, rubbing the lotion, touching your body with caution. Put it in motion, moving your body like ocean, rubbing the lotion, touching your body with caution. Oh, oh, oh, oh, oh. Baby, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, How deep is your love? Baby, we gon' see. Like a diamond in rough, can't leave a trophy. Got me thinking of sin, the way you haunt me. This design of your skin, baby, Givenchy. Got me sipping this Maggie, give me the stamina. When you looking up at me, I'll grab the camera. I'll make you forget your ex, Cali ain't mad enough. Girl, I give you the best, I don't even match ya. I don't even match ya. Girl, I'll make time for ya. Free up the calendar. Slide by Sunny. Baby, I put it in motion. Moving your body like ocean. Rubbing the lotion. Touching your body with caution. Put it in motion. Moving your body like ocean. Rubbing the lotion. Touching your body with caution. Oh, oh, oh. You should test me. No man doesn't need to know about me. Tell him that I'm your bestie. Yes, I got the text and you miss me. Tell me when you pull up and see me. You know I'ma pull up on you quickly. Baby, make you know don't mean me. When you close to me, step in motion, controlling me. My own temptation, shit you know see me. See, I have patience, wine for me. Step in motion, when you close to me. Set emotion, controlling me. My own temptation, should you not see? I have patience, wine for me. Set emotion, put it in motion. Moving your body like ocean. Rubbing the, touching your body with caution. Put it in rubbing the lotion. Touching your body. Fly by Sunny. Over them all. If they want done, Goliath. I be David for life. Oluwade my side. Over them all. Over them all. Been down with my cartel. Number one, no forget. If you the vex, make you go kick your bucket. Oh no, I know if you take it too. I said to God, I know if you change me. Them go come back for my mess, you. But them won't play me like mess, you. Shake me. Them me, they call my phone. Them me, they come my home. That feel like so. But I fly over them like drone. Over them all, if they want done, Goliath. I be David for life. Oluwade my side. Over them all, over them all, over them all, over them all, over them all, over them all, over them all. Them go wait till that kingdom come. You carry gun, me a carry bomb. We go to shock them like high tension. Who knows say uncle them like go become come no. You know say God in my back every time I gone through. That's true. I said to God, I said to God. Even when you travel overseas. Fly by Sunny. Well, I don't mean to brag, my vibe is attractive. Say stay loving me globally. You want nobody like me is freaking fantastic. This nigga in the middle of a crisis. If fall in love, you don't know what the price is. My wallet over the anchor. It's a dirty December. She leave me out so bad, so bad. And now she gone. your point one day. Why you they give me mixed signals? Not like you got a ring on your finger. Even if you don't want to end of you. But you know I got the energy to change you. They got a woman every man desire. Your class, she the rough designer. And she the go, she the quench my fire. Wah, wah, wah. Oh, you're yeah, not auntie, auntie, papi. What you like, papi, P.T.O.T. You love me nobody, oh, yeah, wait and see. You love me nobody, oh, yeah, wait and see. Yeah, yeah, auntie, auntie, papi. What you like, papi, P.T.O.T. You love me nobody, oh, yeah, wait and see. You love me nobody, oh, yeah, wait and see. Why you want the paradise, baby, come power my empire. Yeah, you say this baby drive you crazy. And she make you sweet like a fence salad. This nigga in the middle of a crisis. You fall in love, you don't know what the price is. I will lay over the end. It's a dirty December. She leave me on. And now she gone. You've been the one, my love. Diamond walk in Molly. Chinelli and watch the Cody. Only we got to sing to see. Pimbo like a Cody. Your ex-man looking at me funny and I got it to me. Mong I'm jealous, but you must sing to me. I'm different thing funny, boo. Yes, a song, song. Marang Nandaba. I can put you on. Wanna count Nala. Tangle in the mud. Better tell him it's more than love, this land and sea. The light, really super. Bigger when I wake, don't wanna never look me. I shall it pass, you told me long time. Cause you know I want you, talk to me, baby. Eba si fuga ni sutando do quele Nkelu ba pege izi tele Ozi quelu nga vumi zingi I think it's sad I think it's sad I think it's sad Utando lako lumenta kshela Your body talk to me nice Figure nine number size Make a chop you like rice Spin and roll you like dice. Oh Kukusiti pato simuoni Labda liyeju Atuchukwe tuzikwe shimoni Asa go down for me Wasasa Asi kumi Right back Hey how we done Nice saka Hey Asa put on your body for my head Fly by Sunny Call me daddy and I call you my baby Kwa kuni meoza Na kufame daddy Basi fuga ni sutando do quele Nkelu ba pege Isi tele Ozi quelu Mofu mizingi I think it's sad I think it's sad I think it's sad Itando la kono Another Bela ne appreciate Toda I know fi contemplate On top your mouth I fuck you up with my dog My dog My dog Stabilizing, I'm on top of your mind. I'm gonna put my flow, another, my flow, flow. Yeah, why did you talk to me? So don't lie. I didn't know you were gonna talk to me. Another, banga, banga. I kill you and push, call him on the bush, flop to your loose. Come and tell me again. London. Another, banga, banga. Passi fuga de su tanto lo duele entre los papeles y tele o si vuelo anda anda así que sé London Sunny Live Session another banga banga for me away to the water green body make I rock on yeah I know you seen your me I get the money, pass to your papa. Wait till you want, wait, I know if he do for you. Why you want the boogaloo? Share you be kissed on your knee. You better drop your body, I'm a sucker. Suffer with this body. Make we run, I'm on a low key. Baby, you know me. They get a sicko move, where you know go green. Come make a drive your, come make a drive this your jalo. Baby, allow me. You off with the Alawi. See body, oh. See body, see body, oh. Egg by me, oh. Egg by me, oh. Yeah. Yeah. Bust in my boy, lolo. Yeah. Bust in my boy, lolo. Please help me, oh. Me, I don't jump with him, but saw me away to the water, oh. Green body make a rock, yeah, yeah. I know you seen your me. Get the money, pass to your papa. Wait till you want, wait, I know what he do for you. Why you want the boogaloo? Share you be kissed on your knee. You better drop your body, I'm on. You to the phone with this love for 15, baby, and lend me, lend me. I get the bounce for you, you want the do like say, and night, I know the end. You to the steep, they do like say, your waist, no the end. No, they, and then. Oh, yeah, follow my command, baby, do like I do, baby, front and back. Give me boom, back, boom, suck up. Suffer with this body, make me run, I'm on a low key. Baby, you know me. Drive your come make a drive this your jalo. Baby, allow me tip you off with the yellow. Come here, wait till the water. Green body make I rock on, yeah, yeah. I know you seen your me. I get the money, pass to your papa. Wait till you want, wait, I know if he do for you. Why you want the boogaloo? Share you be kissed on your knee. You better drop your body, I'm a sucker. Suffer with this body, make me run, I'm on a low key. Baby, you know me. They get a sicko move, where you know go green. Come make a drive your, come make a drive this one jalo. Silver mix, live by Sunny. Do you mind? Do you mind? Take the backseat of my foreign. Do you mind? You like it on the bonnet of McLaren, give me sign. No surprises, I fire shot, no warning. Do you mind? Sunny life. 17, 18, 19, 18. Or a baby, my feet joke by me. Yo. You go make me do something crazy. We go break the rules for this party. Yo. Girl, I want to hear your body talk. We no wasting no time, TikTok. Now on your mark, get set, get ready. Rotate your bum bum. I know you're here for a show. Oh, oh, oh, oh. You wanna write that book? Oh, oh, oh. Inside, inside my show. Oh, oh, oh. Inside, inside my show. Oh, oh, oh. Make you dance my conto. Oh, oh, oh. You wanna write that book? Oh, oh, oh. Inside, inside my show. Oh, oh, oh. Inside, inside my show. Oh, oh, oh. Do you mind? Do you mind? Make you on a one-way trip to paradise. Just wanna feel some passion, harmonize. Live by Sunny. Love and affection make me come alive. Make me come alive. 17, 18, 19, baby. Or a baby, my feet joke by me. You go make me do something crazy. We go break the rules for this party. Girl, I want to hear your body talk. We no wasting no time, TikTok. Now on your mark, get set, get ready. Rotate your bum bum. I know you're here for a show. Oh, oh, oh, oh. You wanna write that book? Oh, oh, oh. Inside, inside my show. Oh, oh, oh. Inside, inside my show. Oh, oh, oh. Make you dance my conto. Oh, oh, oh. You wanna write that book? Oh, oh, oh, oh. Sunny live session. People in all the video. Always the first to talk. about to your life. Look at the irony. Shame you for public, on the beg you for sight. Don't get it twisted, oh. I know they kiss assy, that shit is not healthy. Keeping my distance, oh. Some people are worse than pandemic. If he go cause my peace, then I go take my leave. If he no be money, do not disturb me, please. If he go cause my peace, that's some expensive shit, oh. If he no be money, do not disturb me, please. Mind is rolling, it is what it is, yeah. Mambo be uliva. Live by Sunny. Money no they bring happiness, oh. Now when I get money, I realize, oh. But I no be hypocrite. I dey pray make you get your own too. Say bad times will never last. Hey, let me love my last. Yo, whoa, whoa, whoa. Life comes at you so fast. Small time you don't become waiting you hate. Yo, okay. They hate their lives and they're lonely. No energy for nobody. When no day happy for me, for me. Okay. You hate your life and you lonely. No energy for nobody. No waste your time, man, I know, say, yo, yeah. If he go cause my peace, then I go take my leave. If he no be money, do not disturb me, please. If he go cause my peace, that's some expensive shit, oh. If he no be money, do not disturb me, please. Before I digress, my girl, you told me that I'm not to your love interest. Live by Sunny. See, my girl, the last time that I check, see, nothing ain't changed yet. Except that I got a big bag and a big, big flag. Don't make nobody tell me nonsense, my nigga. Streets is so cold, my nigga. May nobody come try crying me a river. I'ma pull through like the strings on my guitar. Nonsense, my nigga. This juice is so cold, my nigga. When nobody come try cry me a river. I'ma pull through like the strings on my guitar. So cold outside, my brother. I don't want pull no trigger. I just want live, what's I going play? I don't want no wahala. It's so cold outside, my brother. Me, I know the hate on my brother. Me, I just want live, what's I going play? I don't want no wahala. Oh, it's so cold outside. Me, I know they like nothing to worry me. I know they let nothing to bother me. When no owe no one apology. You know say she low, no they bother nobody. Me, I know they let nothing to bother me. I know they let nothing to bother me. When no owe no one apology. Do you get me? Ain't nobody tell me nonsense, my nigga. Streets is so cold, my nigga. May nobody come try cry me a river. I'ma pull through like the strings on my guitar. Nonsense, my nigga. This is so cold, my nigga. When nobody come try cry me a river. I'ma pull through like the strings on my guitar. So cold outside, my brother. I don't want pull no trigger. I just want me, cause I'm going place. I don't want no wahala. It's so cold outside, my brother. Me, I know the hate on no brother. Me, I just want me, cause I'm going place. I don't want no wahala. It's so cold outside. Live by Sunny. tout me focaliser. Mona, tout ça mon Mona Lisa. Mona, tout ça mon Mona Lisa. A toi qui mon Mona Lisa, vini pour nous danser samba. A toi qui mon localiser, en l'air tout me focaliser. Mona, tout ça mon Mona Lisa. A toi qui mon localiser, vini pour nous danser samba. Gade mo fix de pita loa. Live by Sunny. Eske amosta yu molo toka watch de pita loa. Mo visage ka di to un bet. Et to tete ka di mo un bet. Live by Sunny. Mo ka gade li anze pendant mo ka si wo de mo cocktail. Mo fon VIP ka pran mo bo un mouk mortel. Mo aveugle douvan so boule magique. Mo tete chape mo vini nostalgique. Hey. Mon plongé en soi, mon wek qui mon noie. Au fond, c'est mon cas plongé, mon wek qui mon cas noie. A toi qui mon Mona Lisa, vini pour nous danser samba. A toi qui mon localisé, en l'air tout mon focalisé. Mona, tout ça mon Mona Lisa. Mona, tout ça mon Mona Lisa. Mon localisé, en l'air tout mon focalisé. Mona, tout ça mon Mona Lisa. A toi qui mon localisé, fini pour nous danser samba. Yeah, you know it, be you I'm wanting. Cause you fine, and you sexy. Ooh, I baby, you are to be gently away. Don't show me shaggy, don't use me play. Dance to my reggae, are you ready? Pack your bag, make me fly, go. Body, answer, answer me. Oh, mommy, only you fit to control me. With your face and your big body, I beg you, no kill you somebody. Pick it for ya. Oh, mommy, only me with the hand of you. My ways though they confuse you. I beg you don't kill somebody. Pick it for ya. Fe fe fe fe. Your body they wet wet. I'm in love with you. I'm in love with you. Make I leave you for wet wet. If I lie I tell you me what I carry me go. Me what I carry me go. Live by Sunny. Yeah yeah. sacrifice my dollar because of you. It's your moon alone. If I let you go, I go down my soul, something. I wanna give you something. Fly by Sunny. Tant pis, oh oui. Elle aime bien le sexe en cachette. Ouais, t'inquiète, je vais m'adapter. Elle ne veut plus jamais que ça s'arrête. Ouais, ce soir, je vais pas te lâcher. Et bon, là, je te mets au défi. Flip sur moi comme ça, oh baby. Si le ghetto, y'a pas de haut débit. Le soleil, ouais, ouais, la tempête. Et bon, là, je te mets au défi. Flip sur moi comme ça, oh baby. Si le ghetto, y'a pas de haut débit. Je t'avais dit que je tiendrais le game pour toi. On fait pas semblant, c'est chargé déjà. Mais après l'amour, c'est pas fini. Contrat signé chez les gros bandits. Je veux pas que tu die. Toute seule dans nos draps juste pour les tal. Au final, les billets remplacent pas le mal. Never. On a signé pour les bails sales. Nine times out of ten, we do it for the money. Tell me why you think I did it for the fame and the riches. Oh baby, the riches. Nine times out of ten, we do it for the money. Baby, why you think I did it for the fame and the riches? Oh baby, the riches. Don't know, baby, t'es plus fort. Je sais bien, ouais, qu'il en veut encore. Tout ce que tu peux faire devant mon corps. Non, non, faut pas les conseils. Savais, j'ai les épaules, et dès que pas j'ai la méthode. Les cloques, les cordes, elles passent, t'as fallu tout ton bloc. Viens, bon là, je te mets au défi. Flip sur moi comme ça, oh baby. Si le ghetto, y'a pas de beau débit. Le soleil, la tempête. Viens, bon là, je te mets au défi. Flip sur moi comme ça, oh baby. T'as sauté en mignon, t'as sauté en mignon, t'as. Live by Sunny. Oh, I'm in a big mood. Call how they feel you. Something wake up cool in my body. Tell me you will do. I'm in a big mood. Call how they feel you. Something wake up cool in my body. Tell me you will do. Live by Sunny. Make we go disappear. Put some liquor, they do me jet. Get something sweet to put on my head, that's why. Now you the cool in my stress, so yeah. Make we go disappear. Put some liquor, they do me jet. Get something sweet to put on my head, that's why. Now you the cool in my stress, so yeah. I'm in a big mood. Girl, how they feel you? I know say your love cause passing money, but I still want you. I'm in a big mood. Girl, how they want. Solo, nobody fit tell me to leave my baby. Oh, bend every night if it turn to baby. Oh, me and you, when you wake up, girl, you splashing on me. Oh, yeah, Lula sweat all on me. Like big design, you be dripping on me. Maybe that's why I don't feel it. Yeah. Oh, I'm in a big mood. Call how they feel you. Something wake up cool in my body. Tell me what you do. I'm in a big mood. Call how they feel you. Something wake. In my party, tell me what you do. Live by Sunny. Ooh, make we go disappear. Put some liquor, they do me jet. Get something sweet to put on my head, that's right. Now you the cool in my stress, so yeah. Make we go disappear. pour some liquor, they do me check, yeah. Got some things with the foot on my head, that's why. Now you do cool my stress, so yeah. Baby, baby, girl, you know. When the money done the show, send a star boy. Big whiz, big daddy, enter the show. We know they mind best, you know, man, we just come, your mind out. I'm a walk, but I'm a gummolo. I'm a like 20 standard, yo. Live by Sunny. We know they mind person. We yeah, can't keep us in love, you could do. Baby girl, we could do no solo. Nobody feel tell me to leave my baby. Bend every night if you don't to baby. Me and you, you hey, wake up and you splash. Tell her pussy we no one deep dog. Like Chinese wise so the clip tall. Show it up and make a fall from your disc dog. You no want none of this cause, man a big dog. I saw you disappear as if I never did ban. Me no walk up a kilo, me no just a sing song. With the people your mother tell you keep fam. Z-Tech full of bomb like Islam. And if you with me kike, me know the enemy. Them a pee and me know they not savvy for me. People a ball and a skin cause we bad and we mean. Bloody crime scene calamity. I saw we shoot up we and figure Canada G. Make him have a experience, no gravity. Live by Sunny. And tell a pussy we no laugh, we no take that. But your little people are dead dog. No should I keep in your bed cause the Taliban's them a make quack. We no laugh, we no take that. Badness is how we end us. We no show people feeling up in a red grass. No Taliban's like them near we are sure guns. Make you no sleep at your yard in a 4 months. And so we make people a moan out. Like y'all get fucked down a whole house. Laugh bars full of kids that me sure about. And if you see me travel with a 9X. And none of no politician with me I go vote out. 4 kilo, 4 seat and 4 rounds. Remember me born Kingston. The love party forget love drink rum. Eek your shit like a Jada Kingdom. Everything I get fucked like strip club. So me stay sharp, we no play that. Do we get it one time, in the same spot. Like iPhone, where your ear drop. I mean I give a fuck, if I no be a bop. And if you with me kike, I mean no the enemy. Them a free, I mean no they not savvy for me. People a ball and a skin, cause we bad and we mean. Bloody crime scene, calamity. I saw we shoot up, we and figure Canada G. Make them have a experience, no gravity. Live by Sunny. And tell a pussy we no laugh. Tell your people are dead, the Taliban's them a make quack. Badness are what we end up. We no show people feeling up in a red grass. Live by Sunny. Steady green like broccoli. Steady on my grind, no one hear what they want. Telling me, could you not my fantasy? reason why you move this slow. As you move, no, they cross my lane. Shorty, nonsense, my face, come on me. My face, come on me. If you get the club, then my face, come on me. My face, come on me. I defy my own demons, don't you see? Don't know, don't you see if you get the problem? My face, come on me. My face, come on me. No. Oh, yeah, mami, jo, jo, go, jo, go, to mami, go. And I know feel life for you, mami, yo, yo. Go, loco, pa, me, yo. I mean, not the love, but they try me, yo. Say my can life, no, they funny, yo. Many things I seen, feed up by me, yo. Big money, man, nothing tiny, yo. I mean, not the take, man, I find my own demons, yeah. Keep the bad energy gone, yeah. Play with no time when you see us, yeah. We got the right energy on, yeah. Bust to the rhythm, nothing long, yeah. We fly with the team, no. They grind, know they belong, yeah. Bad energy, you know, come as I. Shorty, nonsense, my face, come on me. My face, come on me. If you get the problem, my face, come on me. My face, come on me. I defy my own demons, don't you see? Don't know, don't you see if you get the problem. My face, come on me. My face, come on me. No, Live by Sunny. If you leave, it's not life, I don't leave you, God, no. When I leave, I no send no person. Send me, I no send no man. I don't live my life on a low, I need a show. Study bankrupt. Man, I find my own demons, yeah. Keep the bad energy gone, yeah. Play with no time when you see us, yeah. We got the right energy on, yeah. Bust to the rhythm, nothing long, yeah. We fly with the team on, yeah. And who know they grind, know they belong, yeah. Bad energy, no come as I. Shorty, nonsense, my face, come on me. Live by Sunny. My face, come on me. If you get the problem, my face, come on me. My face, come on me. I defy my own demons, don't you see? Don't know, don't you see if you get the problem. Yeah, yeah. Try what you not do if you're not the fear, fear. My mind they tell me to disappear, yeah. So suck on my head, yo, cause I don't pray. Come on, man, I don't pray. Come on, man, I can't stay for one place. For God's sake, in my bed. Yeah. yeah. No, tell me no, no, no, no. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Baby, gon' give me your lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo. Oh, oh, oh, oh, oh. You got me like whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa. Shawty, gon' give me your lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo. Sexy body, Juve, we go straight till our morning all night. You're not go get away, na na na na na na. Baby, tap up back, yeah, get away, na na na na na na. Wine for me, Juve morning, oil and pay, na na na na na na. Baby, push back to me properly, na na na na na na. Na na na, hear me now like, big bang, badang badang, big jam, wine and go down. My girl, take slam. Where you from? She say be some like Tim Jam, style and pattern. With the gal, with the big bam bam. Slam bam, you can forget your man. Get ready for the link in this jam. Oh girl, you're shining. You know you're my diamond. You need reminding. This moment of timing when you're soul needs aligning. Soul needs aligning. It's me you confiding. Seeking and hiding. Yeah. Nowhere to find me. Go, who's knocking at my door? You don't need to call me, just come through. I don't really like to see your pretty face blue. Tell me what Remy boy feed do. All the money and the world you waste still can't make you happy. Yeah, me know that thing get spooky. Man, let me make it groovy. Uh-huh. And a lingua, when you need the sugar, you need me signal. You get the keys to my heart. You's a baby, you kiss to my piano. Yo, you the light of my fire. Every day I see you was like the first time. I can't comprehend these feelings. Oh, girl, you're shining. Know you're my diamond. You need reminding. This moment of timing when your soul needs aligning. It's me you confiding. Seeking and hiding. Nowhere to find me, babe. Search now, take your shoes off, put your purse down. How you gonna tell me that it's never gonna work now? Type of shit to make me put a verse down. Worse now, cause we made our bed and got a lay in it. Thought it wasn't hard for me, but every day it is. Heartbreak, such a dark place, but we stay in it. What I'm saying is exactly what I say is I found you. I feel your presence when I'm not around you. Queen in your city, they need to crown you. Holy water, baby, let me drown you. Fire and water, I gotta allow you. Burn out, then reappear. Light still guiding you home, you know I'm there. And rest assured, if you ever needed help or just need a place to hide, no, I'll keep it to myself. Work. Oh, girl, you're shining. Know you're my diamond. You need reminding. This moment of timing when your soul needs aligning. It's me you confiding. Seeking and hiding. Nowhere to find me. Possession amour, tiki-taka. Je suis sous Jack, elle sous tes matchas. Je me suis attaché. À la base, je voulais que ça chata. Le verre sur Windows Shop. Elle smoke la weed comme Wiz Khalifa. Tu m'en veux d'avoir des love affaires. Mais je veux pas rester locataire. Elle connaît mon G-A-N-G. Suis-moi dans ma fast life. T'es relou mais les autres font pas le poids. J'espère que t'as compris la phase là. My black widow, my baby mama. Fly by Sunny. T'es ma locomotive, chou-chou, baby, toutou. J'me suis mis dans des galères pour you, Charlie, piou-piou. Rêve d'un doudou, pas d'un toutou, tout le monde. Fly by Sunny. T'es ma locomotive, chou-chou, baby, toutou. Sunny live session. DJ Sunny. can do to keep you right beside me. Come a little closer, let me make you happy. I got what you need. Love by Sunny. I've been watching you all night long, reflecting all night long. I wanna get you all alone to touch you all night long. Yeah. Toute l'info, Sophie Echen. Au moins 5 morts et une vingtaine de blessés ce soir après une nouvelle frappe russe sur un immeuble résidentiel dans l'est de l'Ukraine. Le bilan risque de s'alourdir, les secours sont toujours sur place. Parallèlement, une femme a été arrêtée aujourd'hui et placée en détention, soupçonnée d'avoir aidé Moscou à préparer une attaque contre Volodymyr Zelensky pendant une visite à Mykolaïv dans le sud, près de la ligne de front. C'était il y a quelques semaines. Cette espionne aurait notamment fourni plusieurs informations sur les déplacements du président ukrainien. Ajera Mohamed. Ce sont les services secrets ukrainiens qui annoncent l'arrestation de cette femme. Le SBU diffuse même une photo floutée de la suspecte après son interpellation, mais aussi des photos des notes manuscrites qu'elle aurait prises en amont de la visite de Volodymyr Zelensky dans la région de Mykolaïv, où le président ukrainien s'est rendu à 2 reprises, fin juin et fin juillet. La femme, qui travaille dans un magasin sur une base militaire, aurait cherché à en savoir le plus possible sur les lieux que le chef d'État comptait visiter et à quelle heure, en vue sans doute, dit le SBU, d'aider la Russie à commettre une attaque aérienne massive ce jour-là dans la zone. L'espionne cherchait également des données sur l'emplacement des entrepôts de munitions. Elle a finalement été interpellée en flagrant délit en train de transmettre ses infos à ses donneurs d'ordre russes et risque 12 ans de prison. Sur sa chaîne Telegram, Zelensky réagit et assure avoir été tenu au courant de cette tentative d'attaque. Le président salue la lutte nécessaire contre les traîtres en Ukraine. Ajera Mohamed, envoyé spécial en Ukraine avec Fabien Gosset pour les moyens techniques. Il est encore possible de mettre fin au coup d'État, assure Washington ce soir, alors que les dirigeants des pays de la CDAO vont se réunir à nouveau jeudi à Abuja pour un sommet extraordinaire sur le Niger. Il n'y a pas eu de mouvement de troupes aujourd'hui au lendemain de l'expiration de l'ultimatum de ces pays ouest-africains qui exigeaient le retour à l'ordre constitutionnel après le coup d'État. En France, le procureur de la République de Sarreguemines appelle à la prudence après l'interpellation d'un Allemand de 55 ans ce matin à Forbach en Moselle. Il est toujours en garde à vue ce soir. Sa femme, une Allemande aussi, l'accuse de séquestration, torture et viol répétés depuis 2011. L'homme dément et évoque la maladie de sa compagne. L'enquête cherche à mettre à l'épreuve des faits ces différentes allégations, souligne le procureur. L'organisation catholique intégriste Civitas va-t-elle bientôt disparaître? Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, veut la dissoudre. Il a demandé à ses services d'engager la procédure après des propos antisémites tenus ce week-end lors d'un rassemblement. Yannick Falt. À l'origine de cette procédure, une phrase de l'auteur complotiste Pierre Hillard lors de l'université d'été de Civitas. L'essayiste s'interroge sur une éventuelle déchéance de nationalité pour les Juifs. Des propos qualifiés d'ignominieux par Gérald Darmanin, qui engage donc une procédure de dissolution du mouvement intégriste, alors que Civitas était déjà dans le collimateur de la place Beauvau après de nombreuses actions ces derniers mois. Manifestations contre un centre d'accueil de réfugiés à Saint-Brévin, commune dont le maire a démissionné après l'incendie criminel de son domicile. Rassemblement pour empêcher des concerts comme celui de Bilal Hassani, porte-parole revendiquée de la communauté LGBT dans une ancienne église de Metz. Mais la procédure de dissolution s'annonce longue pour ce mouvement qui s'est fait connaître il y a 10 ans contre le mariage pour tous. Car Civitas pourra répondre par écrit à ce que le gouvernement lui reproche. Il faudra plusieurs mois avant une éventuelle dissolution en Conseil des ministres. Et Yannick Falt du service police-justice de France Info. Patrick Drahi, le patron du groupe Altice, se dit trahi et trompé. Il réagit au scandale de corruption au Portugal qui vise le cofondateur du groupe, Armando Pereira, arrêté à Lisbonne. Patrick Drahi assure que ces événements n'auront aucun impact sur les finances de son groupe qui possède notamment SFR, RMC et BFM Télé. La SPA lance un cri d'alarme. Ses 63 refuges sont saturés avec plus de 8200 animaux, des chiens et des chats principalement. C'est presque un millier de plus qu'un été classique. La période de vacances est propice aux abandons, mais en parallèle, les adoptions diminuent cette année. On a appris la mort du réalisateur américain William Friedkin à l'âge de 87 ans. Plusieurs de ses films comme French Connection ou L'Exorciste sont considérés comme des classiques du cinéma américain. Merci Sophie Echen. Il est 21h05. Du 3 juillet au 25 août, joue et gagne avec notre nouveau partenaire Woodpiz, ta pizza sur Guyane-la-Première. C'est gagné. Du lundi au vendredi, gagne ta pizza sur Guyane-la-Première. Oui, c'est gagné. Le Woodpiz t'offre 2 pizzas par jour, du lundi au vendredi, sur Guyane-la-Première. C'est bingo. Bientôt sur la première. Jusqu'au 31 août, joue avec le zoo de Guyane et gagne tes places sur la première. Tous les jours, pars à la découverte de la faune et la flore amazonienne avec Guyane la première et le zoo de Guyane. Bonnes vacances. Ah. 213. Fali, il faut pas du cap la merveille. Elle va la bios. Bonjour à toutes et à tous. À l'instant, c'était Carré de Mokobé et Fali Ipupa, une nouveauté pour bien commencer cette semaine. Bienvenue sur Gagne la Première, j'espère que vous avez passé un bon week-end. C'est Perle et Mike en votre compagnie jusqu'à 19h. Salut Mike. Salut Perle. Comment vas-tu? Oui, ça va, en pleine forme, cool. Yes, t'as passé un bon week-end? Oui, ça a été, j'ai jardiné, voilà. T'as jardiné? Moi, je suis allée à la plage. Ah, bien. En bas de mer. Ah, il faisait beau. Il faisait chaud. C'est bon. Nous avons la technique aujourd'hui, Rodrigue, et nous saluons nos programmateurs Sony, Byron et Hervé qui nous ont fait une prog aux petits oignons, comme d'habitude. Ouais. Alors, au sommaire aujourd'hui, on retrouvera nos hallucinations auditives, comme la semaine dernière. Toute la semaine, on a eu des hallucinations c'est auditives. Ça, hein, absolument. Pareil. On aura le jeu sans question, de questions sans filtre pour gagner des tickets de cinéma et puis un bon pizza, un point météo, info, rubrique connect première, bonne musique, bonne humeur. Dans la deuxième partie, tu as dans Perle nous explique. Voilà. Et bien, tu vas nous parler du FOMO. Le FOMO. Syndrome, le syndrome FOMO. Donc voilà. C'est pour tout à l'heure, rester avec nous pour découvrir ce que c'est. Donc, comme tu as dit, Connect Première également. En deuxième partie d'émission. Et puis, balance l'instru un peu plus tard, dans l'heure, puisque nous sommes ensemble pendant 3 heures. 3 heures jusqu'à 19h. Et on va bien commencer avec une nouveauté. C'est Franglish qu'on retrouve prochainement sur la scène de Saint-Laurent. Ouais, tu m'as dit le 13, hein, c'est un dimanche. Le 13, le 13 août, voilà. Voilà. Accompagné d'Aya, voici Dio sur Gagne la Première. Laisse tomber, tu ne pourras pas me raisonner. J'ai déjà la plus belle à mes côtés à l'insomme. Baby n'a pas confiance aux autres. Elle préfère bisous qu'un cadeau. Oh, let's go. J'vois des mimi mimi boy, right. Mimi mimi boy. Let's go. Mimi mimi boy, right. Mimi mimi boy. Okay. C'est la folie, j'te fais tomber par terre. Check, check, check. Pourtant t'avais dit que ton cœur est en fer. Check, check, tu veux des projets forts, oui. Plan B pour ta chérie. Devant toi ton homme fort, oui. J'avoue. J'ai qu'un qui fait mes bons tuyaux. Let's go. Ah ah ah, c'est ta main, ah, ah, parle-moi, ah, ah, je suis là. Ah ah ah, ah, ah c'est ta main, ah, ah, parle-moi, ah, je suis là. Ah, ah, wow. Let's go. Ah, le mauvais Joe est venu te parler. Baby, oui, ce que t'as sur toi, c'est pour me tuer. Là, je t'emmène danser, faut pas t'en aller. Sur le raté, je fais l'oseille, j'ai tout avalé. Ouais, j'ai reçu ton message. Ah ah ah, je fais tout pour toi. Ne mets pas son côté. Ah, ah, ah, je fais tout pour toi. La seule avec qui je mets mon ego de côté. Dis pas que c'est moi le mauvais Joe, Joe, Joe. Non, non, dis pas que c'est moi le mauvais Joe. Baby, crois-moi, j'essaye. Parfois, j'essaye, baby. Que tu deviennes ma baby, deviennes ma baby. J'espère que tu captes le message. Quand je garde la job, j'espère que tu captes le message. Dans ta vie, j'suis pas de passage. Suis-moi, tu vas pas regretter. Ah ah ah, c'est ta main, ah, ah, parle-moi, ah, ah, je suis là. Ah ah hey, hey. Ah, ah, ah, c'est ta main, ah, ah, parle-moi, ah, je suis là. Ah ah, wow. Let's go. Ah, le mauvais Joe est venu te parler. Baby, oui, ce que t'as sur toi, c'est pour me tuer. Là, j't'emmène danser, faut pas t'en aller. Hey, hey. Sur le raté, je fais l'oseille, j'ai tout rafalé. Ouais, j'ai reçu ton message. Ah ah ah, je ferai tout pour toi. Même si t'as des projets, ne mets pas son côté. Ah ah ah, je ferai tout pour toi. Non, c'est moi le mauvais Joe, Joe, Joe, Joe, Joe. Moi le mauvais Joe. Non, c'est moi le mauvais Joe, Joe, Joe, Joe. Moi le mauvais Joe. Moi le mauvais Joe. Baby me demande, elle veut savoir. Est-ce que c'est toi le mauvais Joe? Est-ce que c'est moi le mauvais Joe? Ouais, c'est toi. La la la la la la la la. Et où savent tout ça, nous qu'a fait la s'indiscret. Donc la na na na na na. Oh why, oh why, oh why. Juste nous, toi et moi. Oh why, oh why, oh why. Toute la night, la la la la la la. On travaille toute la journée au sol enfoui. Au sol enfoui. Passé voie moyen case et nous caïmener en vie. Nous caïmener en vie. Nous qui prenons un petit bouteille avant nous garder en film. Aïe. Mais j'ai senti un zéa où j'en vis. Où j'en vis. Où j'avais amené moi chambre là si on lit. Oui. Nous qui fait l'amour ça qui tirait toute la nuit. Toute la nuit. Nous qui fait ça juste en soleil là où fin. Aïe. Aïe. Dans un moment nous j'ai plongé dans l'oubli. Aïe. Oh aïe, oh aïe, oh aïe, baby. La la la la la la la la la. Et on savent tout ça nous qu'a fait la s'indiscret. Toute la nanana nanana. Sans aucune question à se poser. Allongé dans le sable, pas besoin de parler. Oh, tes mains se baladent et puis j'aime ça. Tes caresses jusqu'au lendemain. Je vais t'entendre m'appeler bébé. Rien qu'une fois, dis-le-moi, tu tournes autour de moi, tu me tournes autour. Dis-moi les choses sans détour. En vrai, tu feras ce que tu voudras de moi. Jusqu'au bout. On ira jusqu'au bout. Dis-moi tout de toi et viens avec moi, viens avec moi. Oh ouais. Oh ouais, oh ouais, baby. La la la la la la la la la. Et où savent tout ça nous qu'a fait la salle discret. Toute la nanana nanana. Kim Owai sur la première. Alors, on reconnaît un morceau là avec, ouais, avec cette chanson, le début. Oui, il y a un sample derrière. C'est, ouais, c'est basé sur un morceau de. Tu as dit que c'est toi qui as trouvé. Alors, c'est, parce que ça m'était complètement sorti de la tête. Diana King, la chanteuse jamaïcaine, qui vit aux États-Unis depuis longtemps d'ailleurs. C'était quoi le morceau? Life. C'est ça. Et d'ailleurs, c'est elle aussi l'interprète de la BO de Boys. Shy Guy. Bad Boys. C'est ça. Shy Guy. Shy Guy. Dans un instant, on retrouve les hallucinations auditives, mais tout de suite, on y écoute Manuel Turizo et la bachata. Te bloqueé de Insta, pero por otra cuenta veo tus historias. Tu número lo borré. No sé pa' qué si me lo sé de memoria. Me hiciste daño y así te extraño. Y aunque sé que un día te voy a olvidar, aún no lo hago, es complicado. Pero eso no se pide. Mejor le pido a Dios que me cuide. écoute la première pour ça. Alors on danse. But I don't do too well with apologies. I hope I don't run out of time. Can someone call a referee? 'Cause I just need one more shot. Have forgiveness. I know you know that I made those mistakes maybe once or twice. And by once or twice, I mean maybe a couple of hundred times. So let me, oh let me redeem, oh redeem all myself tonight. 'Cause I just need one more shot. Is it too late now to say sorry? 'Cause I'm missing more than just your body. Oh, is it too late now to say sorry? Yeah, I know that I let you down. Is it too late to say sorry now? Take every single piece of the blame if you want me to. But you know that there is no innocent one in this game for two. I go, and then you go out and spill the truth. But can we both say the words and forget this? Yeah, is it too late now to say sorry? 'Cause I'm missing more than just your body. Trying to get you back on me. Justin Bieber, ce tube sorti en 2016. Il est quelle heure? Il est 16h23, c'est l'heure des hallucinations auditives, Mike. Ouais, c'est ça, les hallucinations auditives, on vous le rappelle. Donc ce sont des chansons qui sont dans une langue étrangère, mais on a l'impression d'entendre autre chose, mais en français. Et dans ce morceau, Perle. Donc c'est le morceau Quartier, voilà. Dope Boy. Voilà, c'est un rappeur, je crois, des Pays-Bas, originaire des Pays-Bas. Ouais. Et dans sa chanson, on peut écouter l'extrait. On écoute un petit bout de la chanson. Dans la chanson, Dope Boy révèle qu'il a plein d'enfants cachés. Hein, donc, on entend plein d'enfants cachés dans la chanson. Plein d'enfants cachés, c'est ça. C'est ça. Ok, on écoute l'extrait. On écoute l'extrait tout de suite. Plein d'enfants cachés. Ah, le mec il dit ça quoi. That's for next. Plein d'enfants cachés. Ok, ok, voilà, c'est ça, ouais, c'est pas mal. Hein. Hallucination auditive. Ok, alors on a une deuxième petite hallucination, illusion auditive à vous faire écouter. Alors c'est un morceau qu'on connaît tous ici, c'est Let's Groove du groupe Earth, Wind and Fire. Dans ce morceau, voilà, gros carton funk de l'époque. À un moment donné, le chanteur du groupe dit « Dans la terre, il y a des cailloux. » Ok, dans sympa. La terre, il y a des cailloux. Mais il faut vraiment tendre l'oreille pour entendre ce truc. On écoute l'extrait. dans la terre, il y a du caillou dans la terre. Tu l'entends, on lui entend un peu. Voilà, dans la terre, il y a du caillou. Voilà, c'est ce qu'il dit. Ok, hallucination auditive, bien sûr. Donc, d'autres vont revenir demain. Dans la semaine. Voilà. Entre autres demain, donc demain après-midi. On part en Guadeloupe et on va écouter un groupe Expérience 7. Donc, voilà, c'est les précurseurs. Ils font partie de ces groupes qui sont les précurseurs du zouk avec Goût de Joie. Et dans cette chanson, on entend les voix de Tania Saint-Val et de deux membres de Zouk Machine, Christian Vidal et Dominique. C'est vrai, parce qu'en fait, au départ, c'était les choristes. Hein, c'est ça, absolument. Voilà, on les aperçoit même dans le clip. Donc, je vous laisse tout de suite écouter Goût de Joie, Expérience 7. Jusqu'à quand compter mon baba budito. Vingt mon toujours. Top shot is back. Back to the world fucking dancehall. Top shot is back. Aki mon missi. Aba bon jaki mon dagi. Long talk. Olé to pote custo mama. To la to ka veye nou. To gen l'argent pour nous. Qui l'autre Kevin paye nous. Pour nous boire bête. C'est jaloux aller enterrer nous. Heureusement, il y a un fada gad blak à guider nous. La vie à coûte, moi les amis pas long. Machine en loup, parce que chargeur à long. Nous capoulons 4-4 dans au fond au country. A pas tout chier. chien qui s'amodague. Côté à chaud, l'un chargeur sélecteur à roulette mon frère. Ouais, côté à chaud, c'est bad girl à kaoumé. A pouyo, c'est bad boy à kagoumé. On dit ton côté à chaud, j'entre là, à bas tout chien qui m'audax. Mon gain confiance seulement en mon rafale. Mon ouais qui côté à chaud, téléphone en les silences, en les TikTok a fait le buzz. Au fond street, yo carang. Côté à chaud, yeah, chaud, chaud, chaud, hey, pays à chaud. Tête qu'a chauffé vite speedy. Pour rien, mon ouais bal capété vite. Si à jod la tout pacte qui monte so vite for real. Côté à bad boy kakoumé. Depuis gen dad boy gen goumé. Et y pa gen tak nof. Contra kaba y a pas bête bluff. Chaque semaine y gen la vie ou moun ka off. Côté à chaud, l'homme chargeur sélecteur à roulette mon frère. Côté à chaud, c'est bad gal la kaoumé. A pouyo, c'est bad boy a kagoumé. On dit ton côté à chaud, jod la. Pas tout check et mon dax. Pour gain confiance seulement en mon rafale. Mon wè qui côté à chaud. Téléphone en les silences, en les TikTok a fait le buzz. Au fond street, yo carang. Côté à chaud. Ici à braquage, ta fête sans cagoule. Au fond machine en guédouille. Yo ka tiré tout en couille. Pas gain temps, nous ka même tiré tout bouille. C'est si vous ka pas gain temps, yo qui ka fait cambrio. Ta jo côté couche ton maman. Ton la ton ka veille nous. Ton gain l'argent pour nous qui l'autre qui vient payer nous. Pour nous voir bête, c'est jaloux, aller enterrer nous. Heureusement, y gain fada gad la gagide nous. La vie a coûte mon les amis pas long. La machine en loup parce que chargeur à long. Nous capoule au banc 4-4 dans au fond au country. A pas tout chien qui s'amodague. Dio, côté à chaud, l'homme chargeur sélecteur à roulette mon frère. Côté à chaud, ok, ok, ok, c'est Bad Girl Akaroum, côté à chaud. Ça, c'est un son pour les vacances hein, aussi, ouais, hein, pas mal. Hein, voilà. C'est Lion P. Lion P. D'ailleurs, qui a signé aussi son retour avec un morceau qui s'appelle Mona Lisa, un petit peu à la sauce guyanaise, une sorte d'amapiano à la sauce locale. Dans un instant, bien sûr, on va jouer au 31 90 00. Avec pour gagner des tickets de cinéma. Absolument, mais là, ce qui arrive, c'est une nouveauté. On reste c'est au pays. Une nouveauté, on reste au pays. Voilà, ouais. Avec, c'est du lourd. Ouais, c'est du lourd. C'est Bombi, ça vient d'arriver. C'est sorti il y a tout juste quelques 4 jours. La vidéo est magnifique. Enfin, ça envoie, c'est du chata. Mis en chata. Bombi, accompagné de Natoxy. Voilà, le morceau s'appelle BMW. Écoutez. Bon bizarre du chat, c'est drôle, hein. On y put un en belle mamas, non, non, on y put dit ça, des trois moun qui poko comprendre. On y put un, faut pas coûter maman, on qui fait descendre, descendre, faut pas qu'attendre. Scopy pull up la prod, augmente la base, back it up on your man, na taxi in a big building. Ni de bad man qui a fait plaire maman, quand si y est pas ni maman, mais y est carrelé. Maman, c'est ça, c'est ça, foulant, mais pas la peine parler. Y est les mots life, mais la facture est trop salée. Mucho dinieros, mais gusta papi d'aller. Y est si, mais ouais, maman qui ouais, mon bris. Hot gala, hot mina lie. Pas besoin équipe pour prendre bouteille en masse. Yeah. Assala all day, crazy at night. Miss a real bad gal, hey yo, listen that. Okay. Rain and island, dis-moi si l'est là. Freaky hot gal, kawen on l'aye gangsta. Mata island, dis-moi si ou là. Real bad gal, on y en l'aye bad man. Gaya natang, y'a ki bouga go go go. Tout mon gaya niska bouge, ki y'a gre go go. Wada island, dis-moi si zola. Là. Poum poum, chat dans moi, so ego. Dada. On y put ça en belle bon, on m'amasse, non, on y put dit ça, des trois moun qui poko comprendre. On y put ça, faut pas coûter maman, on qui fait descendre, descendre, c'est pas qu'attendre. Scopy pull up la prod, augmente la base, back it up on your man, na taxi in a big building. Ni de bad man qui a fait plaire maman, quand si y est pas ni maman, mais y est carrelé. Maman, pour l'en mettre pas la peine parler. Y a les mots life, mais la facture est trop salée. Mucho dinieros, mais gusta papi d'aller. Y'a si mais ouais, maman qui ouais, mon bris. Hot gala, hot mina lie. Pas besoin équipe pour prendre bouteille en masse. Assala all day, crazy at night. Miss a real bad gal, hey yo, listen that. Okay. Rain and island, dis-moi si l'est là. Freaky hot gal, kawen on l'aye gangsta. Mata island, dis-moi si ou là. Real bad gal, on y en l'aye bad man. Gaya natang, y'a ki bouga go go go. Tout mon gaya niska bouge, ki y'a gre go go. Wada island, dis-moi si c'est là. Poum poum, chat damoiseau ego. Go dada. Not a première. De Lucenzo avec Big Ali qu'on entend bien ambiancé dans le morceau. Ce morceau est sorti en 2010. Hein. À 2010, ça quand même. Et il est modé. Pas une ride. Toujours aussi bien. C'est clair. On va jouer tout de suite. Donc c'est le jeu, c'est l'heure de la question sans filtre, sans filet. Je vous rappelle les règles. Je vous pose une question. Vous devez nous appeler pour y répondre. Si vous répondez correctement, vous avez accès à une deuxième question surprise et il faut y répondre correctement. Absolument. Aussi pour gagner les deux places de cinéma. Absolument. Je rappelle que depuis vendredi, on a mis un timer. Il dure combien de secondes à peu près ? 5 secondes. Donc vous avez 5 secondes pour répondre à la question. Normalement, c'était 3 secondes parce qu'en fait, c'est un jeu qui existe en Angleterre et en Angleterre, c'est 3 secondes. Mais bon, ici, on se dit, on se met. On est gentil. Voilà, hein. On se met 5 secondes. Hein, ouais, les questions sont faciles en plus. Aussi, ouais. C'est parti donc au 31 000. Quand il s'agit d'une... Non, alors attendez, c'est pas celle-ci. Oui, c'est celle-ci. Quand il s'agit d'une contravention, ouais. Combien y a-t-il de A dans le mot amende ? Voilà, quand il s'agit d'une contravention, combien y a-t-il de A dans le mot amende ? Ok, amende. Une prune. Ok, 31 90 00, si vous avez la réponse. Et bien maintenant, vous nous appelez au 31 9000. Quand il s'agit d'une contravention, là, puisque vous avez grillé un stop ou quoi que ce soit, combien y a-t-il de A dans le mot amende ? Voilà, super facile. Donc 31 9000. On va peut-être partir au standard et donc personne encore au 31 000. Alors dans le mot, quand il s'agit d'une amende, d'une contravention, voilà, combien de A y a-t-il dans le mot amende ? Allô ? Bonjour. Oui, salut. Bonjour. Ça va ? Tu vas bien ? Oui, ça peut aller, merci. Eh bien voilà, on a qui au téléphone ? C'est Francine. Francine. Bonjour Francine. Alors je répète la question. Quand il s'agit d'une contravention, combien y a-t-il de A dans le mot amende ? Alors, comme je vais devoir la payer, non pas la manger, ben, je mettrai un seul A. Absolument. C'est, c'est ça. Voilà. C'est une bonne réponse, Francine. Ça. Donc maintenant, je te pose la deuxième question. Sois bien à l'écoute. Quel pays d'Asie portait autrefois le nom de Siam ? Vite, vite, quel pays d'Asie, portait à l'époque le nom de Siam. Siam. Un pays d'Asie ? Voilà, c'est fini. C'est trop tard. Oh là là là. Alors là, c'était la Thaïlande. Ouais, c'était la Thaïlande. Là, tu vois, j'ai pensé à la Thaïlande, c'est trop tard. Et voilà, ouais, c'était la Thaïlande, Francine. Tu nous appelles d'où, Francine ? Là, je suis sur Cayenne. Sur Cayenne. Ça se passe bien, là, les vacances ? Mais j'habite pas à Cayenne. Ouais. Ah, ça va tranquillement. Ok, t'habites pas sur Cayenne, mais t'es où ? T'habites où ? J'habite à Macoria. Macoria, d'accord, ok. Et ça se passe bien, les vacances, machin, tranquille, à Macoria, ça va ? Ah oui, ça me dit tranquille, y a pas de soucis. En plus, vous avez eu la fête ce week-end ? Ouais. Oui, en effet. C'était chaud. Ok. Merci beaucoup, Francine. Tu reviens quand tu veux, tout simplement. Ok, merci. À bientôt. À bientôt, Francine. Ok, 31 90 00. Donc, on vous envoie au cinéma. Il y a deux places à gagner donc, pour aller voir le film de votre choix. La première question, donc, on la garde, on la répète. Oui. Et puis, s'il faudra tout simplement répondre à la question sans filet, donc en direct. Allô. Oui, bonsoir. Bonsoir, qui est avec nous ? C'est Mimi. Comment ? Mimi. Bonsoir Mimi, comment ça va ? Eh ben ça va. Alors je repose la question, quand il s'agit d'une contravention, combien y a-t-il de A dans le mot amende ? Un seul A, c'est parfait. Ma question surprise, quel était le prénom du peintre Picasso ? Quel était le prénom du peintre Picasso ? T'as répondu ? Pablo, c'est une bonne réponse. Bravo Pablo Mimi. Picasso, c'est quoi le prénom ? J'ai pas retenu. Pablo. Non mais le prénom. Ah c'est Mimi. C'est Mimi. Ah ok, d'accord. Mimi c'est un diminutif, Mimi. C'est... Ah bah oui. Ouais, c'est Myriam. Non, je déconne. Peut-être. Ok, bah y a pas de souci. Ouais, c'est tu gagnes. Tu as gagné deux tickets cinéma. Tu sais déjà ce que tu iras voir ou pas ? Non, pas encore. Pas encore. Ok, bah écoute, reste au bout du fil. Ne raccroche pas. Et puis on va t'expliquer comment faire. Coordonnées. Ça marche. Super, merci. Porte-toi bien. Ciao, ciao. Tu reviens quand tu veux. À bientôt. 16h41 sur la première. On poursuit en musique avec un DJ, un singe jamaïcain, père. Mm-hmm. C'est TJ. Ouais, TJ avec ce morceau qui s'appelle Entanglement. Yes. Say she just love see that, and she woulda come on my yard just to watch me and me woman and me yard love round the clock. Whoa, me shakali cup me drop. You really start show your demons. Never know what's your wicked girl. She a bad girl. Frankie Music. She want love the woman in me yard. Say she be nothing but it. Try and we fit live as one. Tell me make a thing she wanna settle down. Say she really need someone. So she put my personality in the picture, cause she know me not leave me woman. Think about it, is a girl that me really like, but no one ever test, gonna test me. Convinced the boss, says she just want the coffee fast. I wonder how should I breathe. I wonder how should I want. Me just feel should I take up the knife. Whoa, I'm really would I do this, yeah. Wonder if my woman would I leave me. If me tell her everything about it, God know Frankie. I'm in a tough, tough situation. From cardiac, but me just a bitch. She sit down and we chat. And you what a loss if it easy and relax. Ah, it's true this. Me a think like when me a try fix lyrics. If me woman and me hard, I go into this. So me link up, let me drop every single tip. Ah, it's true this. Me woman and me hard, plus me side chick. Still I wonder what a sins and these to this. a home and watch it burn. Alors c'est une chanson, Mike, qui a été écrite par rapport à son ex. Oui. Son ex-mari. Et ce morceau fait partie aussi des revenge songs, vous savez, voilà, les chansons pour se venger de leur ex. Là, elle lui a dit quoi? Je vais maintenant m'acheter des fleurs toute seule. Voilà, c'est ça. Je prendrai ma vie en main. Là, ça, c'est la chanson préférée des féministes. Ouais. D'ailleurs, son mari avec elle, elle est restée mariée 8 mois. C'est un des mariages les plus courts de célébrité. Et grâce à ce morceau, les ventes de fleurs ont augmenté en Angleterre. Ouais, c'est vrai. Ouais. Ils ont tous acheté des fleurs pour leur meuf. C'est ça, absolument. Merci de nous suivre dans un instant. Les infos 17h. Mais avant, on a le temps d'écouter la musique, mais aussi de faire un point sur la météo maintenant. Guyane, la première, vous présente les couleurs du temps. Le bulletin de ce lundi 7 août 2023. La situation générale, eh bien, le niveau de vigilance en cours sur le département est toujours vert depuis 16h. Eh bien, les averses continentales s'étendent de Saint-Georges à Saint-Laurent-du-Maroni de façon éparse. Plus au sud, eh bien, on les retrouve vers Camopi, Sahul et Grand Sentier. Le beau temps reste dominant, particulièrement le long du littoral où la brise a permis de repousser les averses. Celles-ci vont prochainement glisser vers l'ouest, perdurer en fin de journée sur le Maroni, puis s'évacuer en première partie de nuit vers le Suriname. Les alizés d'est-sud-est soufflent à une vingtaine de kilomètres heure, puis le vent faiblit en soirée. La mer est peu agitée à localement agitée sur le nord-est du domaine avec des creux jusqu'à 1,30 m au large et la houle est de nord-est avec des trains de houle d'est plus courts, Mike. Ok, les horaires des marées relevées aux îles du Salut, hein, marée basse, c'était tout à l'heure à 13h03, marée haute ce soir à 21h30 avec une hauteur de 3,02 m. Guyane, la première, vous a présenté les couleurs du temps. La première. escucha lo que dicen los demás. Música en alta, le den el presente, porque sé que tiempo no va a regresar. Hoy conmigo te puedes soltar. Dicen que el mundo se va a acabar, pues antes que se acabe vamos a pelear, vamos a pelear. On a une version plus latine avec Becky G. On continue avec Irsay et Chiquita Mala. Deja que ya lo mueva tan wavy. Cambia full mi visión mientras vi. DJ pone la canción pa' mí. Chiqui, chiquita mala. Chiqui, chiquita mala. Chiqui, te sí, chiquita mala. Chiqui, chiquita mala. Chiqui, chiquita mala. Chiqui, chiquita mala. Chiqui, chiquita mala. Chiqui, chiquita mala. Ay, la capa pa' ti, my travel. Tú no haces hater, cuando no te cantas. Ay, mi música, dale kaki. Dale chiquita, baila pa' mí. A sexy, así na' pa' mi mami. Yo te amo, shari. Mueve tu cadera, manuari. Mueve tu cadera, manuari. La capo, body, by driver. Tú no estás setter, anda no te canter. Y este ritmo suena kaki. DJ pone la canción pa' mí. Chiqui, chiquita, mala. Chiqui, chiquita, mala. Chiqui, sí, chiquita, mala. Chiqui, llegó. Chiquita, mala. Chiqui, chiquita, mala. Chiqui, chiquita, mala. Chiqui, chiquita, mala. Chiqui, chiquita, mala. Mami, no dura la pega, pega. Este ritmo pega como Macarena. Porque by más deep, visa Irina. A mi cuba sí, bailando pegado. Ahora mami, prende la candela. Este ritmo pega como Macarena. Pa' Santo Domingo, Costa Buena. A la Puerto Rico, Costa Zona. Ahora mami, prende la candela. Este ritmo pega como Macarena. Pa' Santo Domingo, Costa Buena. A la Puerto Rico, Costa Zona. Chiqui, chiquita mala. Chiqui, chiquita mala. Chiqui, chiquita mala. Chiqui, chiquita mala. Chiqui, chiquita mala. Chiqui, chiquita mala. Chiqui, chiquita mala. Chiqui, chiquita mala. Se dice, dice. Tú pasas un poco, no se da el cuello. Deep. Do you know? Laisse-moi t'ouvrir la porte et prends ta veste. Assis-toi, rien ne plaît. Quand je te vois, je le déduis de ton style. Le flash laisse ton cœur froid. Et puis de toute façon, tu sais du cash, moi j'en ai pas. Mon angle est bien beaucoup plus subtil que ça. Prends ton temps, écoute-moi. Quand je t'assure que c'est avec classe que j'admire si tu le permets. Crois-moi, car c'est ta classe qui m'attire et tu le sais. Ça se voit, c'est avec classe que je te désire, mais dans l'esprit. En tout cas, c'est avec classe et ça marche à chaque fois. J'avoue, c'est pas vrai, je le confesse. Mais je ne suis qu'un homme, c'est normal, faut pas que tu stresses. Mais le plus important, c'est que j'ai su reconnaître les mille et une choses qui te rendent complète. Ton charme commence où ton sexe appuie l'arrête. Tu souris, tu me parles, c'est assez pour perdre ma tête. Et c'est très sincèrement que je te chante que c'est avec classe que j'admire si tu le permets. Crois-moi, car c'est ta classe qui m'attire et tu le sais. Ça se voit, c'est avec classe que je te désire, mais dans l'esprit. En tout cas, c'est avec classe et ça marche à chaque fois. C'est la première avec classe. Corneille, comme vous le savez, est déjà venu ici en Guyane. Je l'ai déjà dit, mais bon, voilà. Là, on a un témoin oculaire pour dire qu'il est vraiment venu pour de bon. Oui, j'y étais. Voilà, Perle. J'y étais, j'étais ado et j'étais comme une folle. Et j'ai réussi à toucher la main de Corneille. Incroyable. T'étais 14 ans, genre. Ouais, oui, 14 ans, je crois. Ouais, en fait, t'es né l'autre jour, en fait. Voilà, Perle. Ok, merci de nous suivre dans un instant, dans une poignée de secondes, les informations avec la rédaction de France Info. Et puis, comme vous le savez, après, on se retrouvera bien sûr avec le meilleur de la musique. Et puis, Perle vous explique tout à l'heure, voilà. Elle va nous parler. On parlera du FOMO. FOMO, voilà. On vous dira ce que c'est tout à l'heure. Absolument. Ok, on part à Paris maintenant. Il est tout rond 22h là-bas. 22h, 17h ici. C'est ça. Bon, ça s'attarde un peu. Hein, donc voilà, on écoute en même temps les infos là, pour lancer les news. Voilà, c'est maintenant. On y va. 22h, l'info. Bonsoir Thomas Bénèche. Bonsoir Aurélien, bonsoir à tous. À la une, cette affaire de séquestration présumée en Moselle. Une femme dit avoir été séquestrée, violée, torturée par son mari. Le procureur de Sarreguemines invite à considérer ce dossier avec beaucoup de prudence, précision et explication à suivre dans quelques secondes. Un recadrage express de Matignon. La cible, la nouvelle secrétaire d'État à la ville, son tort, avoir accordé un entretien au journal du dimanche sans prévenir personne. Dans ce journal également, nous nous arrêterons sur la situation au Niger en proie à un

à la première ministre, il a été conseillé de ne pas réagir à chaud, indice de ce qu'a été sa réaction. C'était peut-être une erreur de débutante, cela n'en reste pas moins une belle connerie, souffle un proche de la chef du gouvernement. Et Sabrina Agresti-Roubache peut se préparer à se voir expliquer comment doit fonctionner le collectif. Explication signée Julie-Marie Lecomte, chef du service politique de France Info. La guerre en Ukraine, avec ses deux missiles russes tirés ce soir sur un immeuble résidentiel dans l'est du pays. Les faits ont eu lieu dans la ville de Pokrovsk. On compte au moins 5 morts et 31 blessés, dont 19 officiers de police. Le président russe lui rend un ultime hommage à Hélène Carrère-Dankos. Il estime que son héritage intellectuel et spirituel servira à renforcer la compréhension mutuelle entre nos peuples. Hélène Carrère-Dankos est morte samedi à l'âge de 94 ans. C'était une spécialiste de la Russie. On apprend par ailleurs aujourd'hui qu'un hommage national sera rendu à l'historienne avant la fin de l'été et aux Invalides. Annonce faite ce lundi par l'Élysée. Y aura-t-il une intervention militaire au Niger ? Ce serait une catastrophe, fait savoir ce soir le chef de la diplomatie malienne. Le Mali, qui soutient le Niger depuis que des putschistes ont pris le pouvoir en lieu et place du président élu Mohamed Bazoum, des faits survenus le 26 juillet dernier. La communauté des États d'Afrique de l'Ouest, la CDAO, réclamait jusqu'à hier soir de rétablir l'ordre constitutionnel sans exclure de recourir à une intervention militaire. Cet ultimatum a expiré hier soir, sans réaction pour l'instant de la CDAO. Il faut dire qu'un éventuel recours aux armes ne serait pas sans poser des problèmes, Virginie Pirot, non. Une potentielle intervention, loin de faire l'unanimité. Au Nigeria, par exemple, poids lourd de la CDAO avec ses 215 millions d'habitants et qui préside l'organisation cette année, les sénateurs appellent le président à renforcer l'option politique et diplomatique. De leur côté, le Mali et le Burkina Faso excluent, eux, de l'organisation après des coups d'État, estiment que toute intervention serait une déclaration de guerre. Face à ces difficultés, s'ajoute le cadre légal d'une intervention militaire. Et là, ce n'est pas clairement défini. En matière de maintien de la paix, tout passe normalement par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Or, dans le cas du Niger, la Russie, tout comme la Chine, émettrait sans aucun doute leur droit de veto. La CDAO pourrait-elle alors agir sous son propre mandat ? C'est déjà arrivé, au risque que son action soit considérée comme illégale. Selon une source proche de l'organisation, citée par l'AFP, une intervention militaire immédiate n'est de toute façon pas envisagée pour l'instant. Un sommet des dirigeants des pays membres de la CDAO doit avoir lieu jeudi à Abuja, la capitale du Nigeria. Virginie Pironon, rédaction internationale de Radio France, et ce soir dans ce dossier du Niger, Washington estime qu'il est encore possible de mettre fin au coup d'État par l'intermédiaire de la diplomatie. Le sport à présent et les championnats du monde de cyclisme à Glasgow en Écosse avec une médaille de bronze ce soir pour la France dans l'américaine Fanny Lechevestrier. Oui, mais une médaille avec la grimace pour les Françaises Clara Copponi et Victoire Berthaud qui envisageaient eh bien, pourquoi pas l'or mondial ce soir. C'est manqué sur la Madison. Les Françaises ont été largement dominées. Elles se sont arrachées pour aller décrocher in extremis cette médaille de bronze. C'est la Grande-Bretagne qui s'impose ici au Vélodrome de Glasgow. Journée mauvaise, on va dire, pour l'équipe de France de cyclisme, hein, toutes disciplines confondues, puisqu'on attendait également un titre de champion du monde. Pourquoi pas au BMX freestyle pour Anthony Jean-Jean. Et victime de deux chutes, eh bien, il finit quasiment dernier de la finale de ces mondiaux. Fanny Lechevestrier en direct de Glasgow pour France Info avec Coppola et Scorsese. Il fait partie de ces réalisateurs qui se sont affranchis des codes d'Hollywood. On a appris aujourd'hui la mort de William Friedkin à l'âge de 87 ans avec son film French Connection en 1971 et il avait reçu l'Oscar du meilleur réalisateur. On lui doit également le cultissime L'Exorciste sorti deux ans plus tard en 1973. Merci Thomas Benesch, vous revenez avec nous dans un instant. La collectivité territoriale de Guyane organise les journées des peuples autochtones du 9 au 31 août 2023. Au programme des conférences, des expositions, des prestations artistiques, des ateliers de savoir-faire, possibilité de dégustation culinaire sur place. À l'occasion de la journée internationale des peuples autochtones, le mercredi 9 août 2023, la cérémonie traditionnelle chamanique se tiendra dès 5h30 au monument dit chaman situé à Matoury. Le village Terre Rouge de Saint-Laurent-du-Maroni vous accueille les 9 et 10 août dès 10h à l'occasion de la cérémonie officielle d'ouverture. Jusqu'au 31 août, venez nombreux profiter d'une programmation riche autour de la culture amérindienne. Retrouvez l'ensemble du programme des Journées des Peuples Autochtones sur le site cteguyane.fr et sur les réseaux sociaux de la CTG. Bientôt sur la première. La jeunesse du Maroni s'exprime sur la première. La Wassa, c'est ma danse culturelle. D- Découvrez en exclusivité les créations, fictions et documentaires des jeunes de Saint-Laurent-du-Maroni. Guyane la Première et le pôle Images Maroni mobilisés pour l'éducation à l'image, au cinéma et à l'audiovisuel. On a tourné ça avec toute la classe, tout le monde était vraiment à fond, chacun avait ses rôles, il y avait ceux qui écrivaient, ceux qui tournaient, ceux qui faisaient le son, les acteurs, et tout le monde était là et c'était vraiment une super ambiance. Retrouvez l'intégralité de la collection Création Jeunesse du Maroni sur l'application et le site Guyane la Première. J'avais un peu haut, matin, midi, soir, on était ensemble oh, à la rue Princesse oh, au mille maquillots, à ça faut payer les coupés oh. L'argent est fini, en tout a changé.